C'étions des petits enfants qui voulaient jouer à papa, maman. Je voulais jouer à papa, maman, mettre le zizi dans maman. Avoir le trou rempli de bites. Ah là là. Et dire que tout ça c'est bien ridicule. On fait tout un plat alors que c'est rien du tout. Et le temps que ça prend, c'est vraiment nul en fait. Ce qui me dérange, c'est la sexualité des gens. Qu'est-ce qu'on a à boire, qu'ils soient pédés ou amants, hétéro ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs mains, ils font ce qu'ils veulent avec leur cul, ils font ce qu'ils veulent avec leur vagin, leur bite, leur couille, leur gode miché, enfin voilà. Hétéro, honteux, honteux, honteux, honteux, honteux, voilà. Mais quand t'es pédé, on dirait qu'il faut que tout le monde le sache. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Quand t'es queen, c'est un peu pareil. Et quand t'as des enfants, c'est pareil, en fait. On sait que t'as fait splooch, splooch. T'es fait engrosser quoi, t'as eu du sperme dans ton vagin quoi, ma vieille. Putain, mais c'est quoi ce bordel là? Voilà quoi. Tu t'es fait bien prendre le cul par derrière, par devant. Ouais, hein? T'as sucé des bites quoi. Bon. Et alors, c'est quoi ce truc là? Il y a de l'hypocrisie dans tout ça, que, faut bien se le dire. Là, c'est que tu t'es fait bien prendre. Bien prendre. Donc, t'as une bite à un moment donné qui a. Ouais. Qui a donné, quoi. Vous avez bien baisé? Ah, bah, c'est bien, les gars. Qu'est-ce qu'on a branlé? On n'a rien à branler que vous ayez baisé pour avoir les gamins. Putain, arrêtez de parler comme ça. Il y a des moments où tu te dis, mais c'est quoi ça? Putain. Quand toi tu parles de baiser autrement, ouais, sans avoir des gamins, ah ben là c'est tabou. Le baiser avec pour avoir des gamins, là, c'est pas tabou, c'est ça le truc. Ou être pédé, quoi, voilà. Quand t'es pédé, ben, tu suis des bites, c'est bon. Tu te fais enculer, ouais, c'est bien, là on peut en parler. Non mais avant on pouvait pas. Attends, être pédé c'était la honte, donc c'est bizarre, c'est bizarre. Les temps changent, les mœurs changent, enfin, il y a des trucs qui changent, mais le fait d'avoir du sperme dans le vagin, dans le cul, dans machin, bon, faut pas le dire ça par contre. Comme les films porno, tu vois jamais le mec en fait, tu vois tout le temps la maîtresse. Ça, tu vois les grands essais à tout ça. Mais très peu de bites. Très peu de mecs qui montent leurs bites en fait. Voilà. Des culs, des culs t'envoient. Mais des culs de mec. Ouais, t'es des culs de mec. Non. La bite de mec. Non. Le mec, on le voit le torse, les jambes. Et puis c'est tout. En fait. Le haut, le bas, et pas la ceinture, quoi. Pastille au milieu là, tu vois. Le trou. D'ailleurs, il n'y a rien à voir. On t'en fout le top là, mais il n'y a rien à voir. Bon, bref. Allez hop, on embarque nos casseroles. Avec eux dans le slip. Le joint caché au milieu de la noirceur. Et puis on rentre chez soi. Hey. Un coup de sperme. Ah ah. Et tu spermes. Là, t'as joui un peu, elle mouille un peu. Oh là là.